c'est l'heure de silo hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver hind à Brezonek. Alors bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Entar Brezonek. Alors Henri, Gariou Arvué, c'est la 327e, hein, c'est ça ? Oui, 327, oui. Alors aujourd'hui, je m'étais dit que ce serait pas mal de parler du verbe « kizélan », puisque là, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une exposition à Mélionnec, hein, oui. Qui a lieu tous les... C'était la 9e édition. D'accord. Et donc, qui s'appelle « kizélan ». « Kizélan », un bourg à sculpter, hein. Et donc je me suis dit que, alors c'était, en fait, c'est une exposition de statues monumentales, si l'on peut dire, hein, qui sont dans tout le bourg de Mélionnec, puis dans les jardins. Et cette année, je crois qu'il y a eu plus de 7000 personnes qui sont venues voir. C'est incroyable, ouais. Pour un petit bourg comme ouais. Mélionnec, c'est génial. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'écoles qui sont allées voir aussi, hein, donc c'est intéressant. On a vu ça dans le journal. Ouais, on voit les enfants, là. À côté de la grande araignée, là. Et donc, alors ça, c'était en fait, ça a été créé sous l'impulsion de José Rau, hein, qui était sculpteur trop tôt disparu, là. Et donc, ça se maintient à Mélionnec maintenant tous les deux ans. C'était un sculpteur originaire de Mélionnec ? Oui, qui était à Mélionnec, oui. Et donc, qui a été très connu, hein, qui a fait. Il avait fait une année, il avait fait je me souviens, le trophée d'Hydrogen Gaul, là. Donc, un sonneur de clarinette en métal là, qui était assez étonnant. Donc voilà. Donc et après bon, il y a l'association qui a repris ce travail, hein, et donc ça continue toujours. Alors kizélan, donc le verbe kizélan, qui est quand même pas un verbe très très employé, hein, qui veut dire sculpter. Au départ, c'est plutôt ciseler d'ailleurs, hein, puisque ça vient du mot kizel, hein. Kizel, donc qui veut dire kizel, c'est un ciseau. D'accord. Un ciseau, soit à bois, soit pour la pierre, hein. Mm-hmm. un outil de sculpteur, et qui vient du latin kizelus, hein, kizelus, hein, qui a donné ciseau aussi en français. Mm-hmm. Hein. Ouais. Les ciseaux qui vont par paire, eux, hein, mm-hmm. parce que voilà. Et donc le ciseau, kizel, et comme c'est un nom féminin avec l'article, ça donne un gizel, hein. Voilà. Et donc on entend alors pluriel kizelou, hein. Et donc à partir de ce mot kizel, il y a une famille de mots, hein, qui a été qui s'est créée, on peut dire pratiquement spontanément, puisque quand on a une racine en breton, on crée assez facilement des mots. Par exemple, kizeladur, qui est la sculpture. On entend Le mot français sculpture est souvent repris, par exemple dans les chansons, par exemple dans le Cloire et Guéméné, là, on dit par exemple payer un réel de sculpture, michon mes gants me vligent à dur. Payer un réel de sculpture, michon mes gants me vligent à dur. Il y a plein d'air, hein, joli coucou, on chante ça aussi, hein, sur l'air de joli coucou, hein. Payer réel de sculpture, joli coucou, michon mes gants me vligent à dur, joli joli coucou, hein, donc sculpture aussi, mais le mot breton qui s'est là duré est mieux quand même, hein, il serait plus préférable à employer. Alors le verbe, comme je l'ai dit, hein, kizélan, hein, donc qui veut dire ciseler ou sculpter, hein, c'est un peu la même chose d'ailleurs, mais oui. Hein, voilà. Participe passé kizeled, hein, un drasis obé kizeled, hein. Et bien sûr le sculpteur, c'est kizeler ou kizelour, hein. Et donc comme c'est un mot masculin, donc le K donne assez apostrophage, c'est scrabage comme on dit, hein. après l'article, donc kizeler, hein. Alors évidemment il y a différents types de sculpteurs, hein. Kizeler quad par exemple sur le bois, kizeler meigne, hein, sur la pierre. J'ai vu même il y a récemment là des sculpteurs sur glace aussi. Ah oui. Hein, des choses éphémères comme ça. Voilà. Alors quand on parle d'une statue, on emploie souvent le mot skeut, hein, qui est en fait alors c'est un mot très riche, hein, skeut, hein, ça représente une image, une ombre. Il y a aussi l'adverbe qui veut dire en même temps que, hein. Ce que quand on fait la bourre, hein, tout en travaillant, tout en chantant, on peut travailler. C'est un super mot, ça. Oui, c'est un mot. Et alors, c'est un mot collectif, hein, skeut, Hein, et donc, par exemple, pour dire une statue, on va dire skeden. Hein. Alors, skeden, une statue. Et skeden des statues en général. Voilà. Alors, il y a aussi un autre collectif qui est Delph. Hein, et on pourra obtenir le mot statue à singulatif en disant un Delphen aussi. Ah oui, hein. Ça, on entend. Un Delphen, on entend souvent, oui. Mais dans le temps, on utilisait beaucoup le mot skeut, hein, parce qu'il est en fait une image. Et d'ailleurs, en français aussi, hein, autrefois, au Moyen-Âge, les gens qui faisaient des statues, on les appelait des imagiers. Mmh. L'imagier, hein, c'était... Voilà, c'est un mot qui a un peu disparu. Ça a pris un sens de... L'image a pris un sens de quelque chose de plat, en fait. Hein, oui, alors voilà. Que, en fait, c'était... au Moyen-Âge, l'image, elle était en relief aussi. C'était la statue. Hein, et les sculpteurs étaient donc des imagiers. Il y a pour les statues d'ailleurs, on dit souvent aussi aux hommes, hein, parce que les statues étaient en général des saints, hein, autrefois. Mm-hmm. Alors on disait aux hommes menpe, aux hommes quat, hein. Et quand il s'agissait d'une petite statue, on disait zantig, hein. Voilà. Alors le mot statue, le mot français est également utilisé. Le breton ne s'interdit rien. Et par exemple dans le dictionnaire de Favreau, il donne comme exemple de statue Naous Bacalac. Ah, bah la statue oui. de Naous, hein, sur à Calac, hein, qui a été déplacée d'ailleurs, hein, puisqu'elle était devant les Haras avant et puis elle a changé de place, hein. Et voilà encore un autre type de statue, hein, c'est-à-dire une statue en bronze, hein, bon. Et des statues de chevaux sans cavalier sont assez rares, quoi. Oui, c'est ça. En général, il y a un cavalier dessus. C'est plutôt pour mettre en valeur le cavalier, quoi. Voilà. Il y en a une autre à Landivisio, hein. Sans cavalier, comme ça aussi. Quel pays, un pays du cheval aussi, hein. Voilà. Ça fait combien de temps qu'elle est à Calac, cette statue? Oh, ça fait longtemps. C'était un Guyot qui avait sculpté ça dans les années 53 ou 54. Ah oui, d'accord. Non, 59, non. 53, c'est la mort de Naous, hein. Naous est mort à Vaugirard, hein, comme beaucoup de chevaux de cette époque-là. Oui. Et non, la statue a été faite quelques années après par un sculpteur animalier, ouais, Guyot. D'accord. Voilà. Et ben, c'est pas mal de finir sur Naous. Bah oui, moi j'aime bien. Allez, deuxième partie d'émission, Braisonnec t'en m'attend. Et c'est parti pour Braisonnec tome à tome. Seconde partie donc de l'émission Hint à Braisonnec. On va, comme d'habitude, rejoindre la jolie petite bourgade de Zantoloc en compagnie d'Henri. Ah oui. Et c'est bon vivre à Zantoloc. Ah bah c'est sûr. Et là, alors, aujourd'hui, on va aller voir, Ifik va aller voir André Gac, qui est le président des boulistes de Zantoloc et de Ploudérien réunis. Alors, on les écoute. Salut André, Manantra au ganar. Ya, matré, Ifik, à Gonard. Matré, ve, met, l'arédinta, oui, est président arvoulistet. Ya, Ifik, président d'or strolat, berter boulot. Zavet gantu de zantolok, as-tu de splouderien, dès que vlasso vraiment. A gamant et mon baboulodrom zantolok. Ah, ya, Ifik, triblasso et bezavet. En me ment, tir boulot. Tu te zoues à l'avare, mames, ilisor boulot. Met guiré, on dra, bouez, évident. A gali et séverwari et boulot, amant. Oh, ya, ben de pv clou à roir un amzer. Or, blamant, ne ce que bet gouin e bet, kouzlaret. C'est tu zo berroir yot boulot, ben de. Oh là là. C'est des acharnés. Hein, ah bah oui, ils ont joué aux boules, comme il n'y a pas eu d'hiver, ils ont joué tous les jours. Oui, j'ai bien compris. Ah, y a... Les femmes jouent aux cartes pendant que les hommes jouent aux boules. Ah non, il y a des femmes qui jouent aux boules aussi. Bah, voilà. Ah oui, oui. Bon, on reprend et donc... Et elles sont bonnes, hein. Diwal. Diwal. Alors, le dialogue entre Ifik et André. André, donc si je comprends bien, qui est président des boulistes. Salut André. Madame Trauganor. Yamatré Ifik. Yamatré Ifik, à Grand Nord, donc formule de politesse avec, habituelle. Avec vous. Matréyé, répond Ifik, mais l'arrêt d'Inta. Rui est président d'Arboulistet. Oui, vous êtes président des boulistes. Alors, hein, attention, il y a une mutation parce que c'est un nom de personne, un pluriel de nom de personne qui n'est pas en ou, donc on dit Arboulistet. Hein. Bah, oui. Ya Ifik, président d'Arstrolat, Ber d'Arboulou. Oui. Ça va être grand tute de Santolek, bah. À tute zan de Plouderien. À tute Plouderien, dès que l'assaut, vraiment. Oui, alors, président de Arstrolat, c'est l'association, hein. Ber d'Arboulou. Alors là, Ber d'Arboulou, c'est difficile à traduire. Faites brûler les boules, enfin. Hein, bon, c'est ça, quoi. C'est difficile. Ber d'Arboulou, hein, c'est. Voilà. Zavod Gantud de Zantol, hein, qui a été alors créé, Zavod, hein, levé, comme on dit, hein, par des gens de Zantol et des gens de Plouderien il y a maintenant 10 ans, dès que l'assaut, vraiment. D'ailleurs, ils vont bientôt fêter les 10 ans. En Mont et Montba, boulodrome Zantol, demande Ifik. Voilà, et ici, nous sommes dans le boulodrome de Zantol. Ya, répond Ifik. Ya, Ifik, répond André, pardon. Trive l'assaut. Et Bézavet. Il y a Triblasso et Bézavet. Hein. Ça fait donc 3 ans qu'il a été construit. On se souvient d'ailleurs, on avait été à l'inauguration. Il me semble de me rappeler de ça. Ah ouais, et ouais, maman, ouais. Ti Arboulou. Oui, Amant, Ti Arboulou. Ici, c'est la maison des boules. Voilà. Tudzo, Elavar, Memes, Ilis Arboulou. Voilà, Tudzo, Elavar, Memes, Ilis Arboulou. Hein. Certains disent même l'église des boules, oh hein, là le là temple là. Des boules. Hein. Parce que c'est vraiment un endroit... et j'ai même entendu l'autre jour Gousper ou Arboulou, les vêpres des boules, pour les parties de l'après-midi. Mais Gouiré et Andra Abouez, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une chose, Andra Abouez, importante pour nous. À Liès et Verroirie, Boulou, Oman. Oui, à Galiès, Verroirie, Boulou, Oman. Et souvent, on joue au boule ici. Hein. Alors, c'est une forme d'habitude, Verroirie, Boulou, et jouer au boule ici. Hein. Oh, ya, répond André, BMD, pavé clouar à war en Amzer. Oh oui, BMD tous les jours, pavé clouar à war en Amzer, quand le temps est assez doux. Clouar, c'est tiède. Hein. Tiède. Voilà. Alors, blamant, ne ce que bête, gouan bête, cause l'arrête. Cause l'arrête. Cause l'arrête. Cette année, ne ce que bête, gouan bête, il n'y a pratiquement pas eu d'hiver. Cause l'arrête, hein. Il n'y a pas eu d'hiver, autant dire. Hein. Autant dire, voilà. Sais-tu, zobet roiriette, belou, BMD. Voilà, c'est une zoberoire, il y a de boules au BMD. Donc, a été joué on a joué aux boules tous les jours. Il a été joué aux boules tous les jours. Voilà, si on traduisait littéralement. Et donc, voilà, alors la prochaine fois, on entendra la suite de cette interview parce qu'ils sont en train de préparer les 10 ans de l'association. Voilà. Bon, et ben Henri, on va rester là. On passe à Petra Zonet-Vervaux. Et ben on va passer à Petra Zonet-Vervaux. Thank you. Henri, Petras ne vit pas Calzedra ou Evel juste boire vege dix ans. Crogom de dien, t'en vel custum grand la bourdouar. Ne ce que gual belzo, ou abedlar de wawar arbit, 16 milliards d'ut. 16 couèges mûr, vit pèse wab a blam mille iscan. A gevel juste or guden zo, rein bouet de tout d'un dut. Ka calzedun dut ou arbit, ne ce que n'en que trawar de zi, bijis was, hag pelle han et mameus. Gouskoude, war arbit de zo bouet d'war, tre vitou d'un dut m'avait fait bid in ga le mord d'un trou. Hantor kan l'asso, pe vije kom ze deus ar bla d'auville, kal ze du de jonge vije be moyen de var gant dud gant pilulo pe tramant gant trou evel biftek petrol a chao a sors, hag kal ze zoton yel un bose. Bremañ a war an boar, neus ket met frouez un dou ar a frouez ur mor, hag zo kap de reik d'un dud ur bouet o neus ezan. Met evit se, e c'het ka devel just doujans deus ar bet, de la rade doujans deus un dou deus un dour, deus ar mor. A bet hag bremañ ne ya ket un trou war an tuz, jiwas, pe dur lezen un erran, zo o ren ur bet. Da skouer un dou ar labour, de zo deb d'vouniz tre, bremañ, evit ze vel tir, pe hinchou, pe tachen ou labour, a pep sa trouel, pe o ner borz vel ba, i tron var ya l'an eia, a ze, ve komp ze kal ze se, ar mar eman, hag e brovranz ve kol de war dro per han devezar de dou ar labour ad bemde. Pe so kaz evel just, pe dur ze rao war dro an departement be pseis la, ve kol et. Hag ba departement odo en arvor, ve kol et war dro 3000 devezar ad be pla. Ma meustra, bremañ, ver krog de jonge a lontamp, ve febet ret diwal muor deus un douar. Deus un douar la bourret, da skouer, ha nevez ad un ti zo kreiz ker, pas der an ober tir mez deus ker, ha dimplij un usine zo bet di leusket, a gwellet veze, bon ve tabud ou ganze, vel lar an dar gant erborz i tron varia l'an eir, peut-dur, as vos colles doit avoir trop permis le des vezard hein ag bon zezo kals doit labour de bénéfine quoi bon sais tu tant ma tante ve jonge de vos red diwal de un doit labour mais roi vos pelle du d'un vide de jonge allemand basique et veulent juste hein vide derrière en et quoi alors la cas de doit de zevel tir pétrole mais jiwas asé zo roaz ba Castelpol, zo tabut ganze, pe dur oa, un tachen labour gant ur sika, zo tabut o ganze, pe dur vet tap kalz douar labour a droaz. Ni chom an tam oa tachen labour douar, oa vej un amzor e gont an dar deus un itu pe guiniz du, hag ur blaso oa bechet oa becho et ur blit de ni guiniz du breiziz, lor label, ve l'art de ze o ni jepe, hag Guinis du vraiment Braise neus labels ma peswan. Guinis du zo be ha de pot pelzo Braise a gimpli je dor calz de drove le rampous hein mais calz de drowel même ze great beer quand Guinis du hein mais trop leur blavezio trugue no avait dit le ske de Braise c'est tu pereg vivait vedigas de wardro 10000 tonnes Guinis du be plat de ce brochin de ce Hanada de ce Lerel hag ma meustram zo bremañ oa dro 16000 devezar ad guiniz du breiz hag eiz vilin zo o hober bleut guiniz du evel ze bon ur vejman anke de gomstar kalz deus nendro na deus politiker az na deus ekonomiez ben vejel vo komz et se hag tientor hem hudu war de gomz deus zevenadion un DL d'un détient de Vistierzu, oua bazan Nicolas, obidou Emmanuel Payet, pe Manu Payet, pe Manuel Payet, hein, hag zoet nan ang de doa de tribla perrugan. Manuel Payet, zo oua hana un mod bazan Nicolas, gant oua bet ba plijdi, bla eiz a warnugan. Hag an bon pe oua yaouang oua et or istudi ba sko litron var ya gwengan, l'air oa krog de skrivan gwerzenou. Da skwer ur bla onan a hanter kan, neus im bande de lever gwerzenou dis barzon egou, hant vet broussaï. Hag lever zo an dastumadeg barzondeg ou skrivet gantan. Ou a l'air neus bet balé et kalz, hein, gret deus bep sor micherioù, hein, ur rog d'ont bener fin de Zan Nicolas de Chom, ou a il eve, ba bla tri a perugen. Hag Manuel peyet oa bet glahar et tre pe oa bet mar iva, ben, pe dur hez ne oa ken me ugen la, pe oa bet lachet en ur gwal zar vout. Hag ne ke bet gwal, gwal ever eus benefin bu e mar Manuel peyet, hag zevez antet pe velen de varzon egou, hein, skrive neus da skruer l'histoire de ma vie e bien triste roman. Vel meus lar atar Manuel Peyed oa krog abrit de skriv an gwer zenou, pe oa ba skol ba gwen gamm. Plijer edan kalze varz de plijer edan vel hag kalze skian ni oa warze, oa revarzon niz. Varz et vel ronsar malarmé a verlen. Hag vel meus lar atar an den skian braz oa, hag skrivare gwerzen ou bemde skrive. Oa an ket pet gwerzen ou neus bet skrive dis, lar adve war dro tri ugen mil pe dis, zera tri mil barzonek, hag nanternez o bet imbandet, hag nanternez o chom di imband. Plijere dan skrivan en ur mot klasel, ober emam eus aliz gant gwerzen ou daouzeg, hein, pe zvelar din gal ag Alexandrin, hein, gwerzen ou daouzeg troc'h edre nant, razé, hein, alar ne neus, ban ar varzonek neus lar ad oa en Alexandrin, mon copain de collège, e ma force patiente. Hag, en an vele, en fentuze pevelen tro, en an vele velo ar sort, Zakriskos. Là, scriveneuse d'Asquire, comme un vieux sacristain qui boit dans le ciboire pour partager la gloire des martyrs et des saints. Hein, fentus, hein, on tombe. Ne ce que casse de trop, fentus, ba guerzin ou Manuel Payen, mais tombe trop, même estra. Hag, ouspense, on din, car ivro, oua, Marcel Pay, Manuel Payet, pelar in mode, casse de ze, ivarzon ego, gomse de ze, de zi, deux ivros, hein, deux braises, évèle juste, hein, plus dur l'arrêt, ou à braise, vent, mais vitant, à deux narguates, à deux heures pelem, hein, mon cher vieux pelem, velar, à lise, y varzonégou. Il y a, caillé de varzonégou, enfin, remus belen, de bon pezo ingalag, hein, no warank, n'a guin, ne se bescrive, trop une braise en agin. Ma treize ne se bégrène, mais non que zur, hein. Alice, mammes, bon, plusieurs lar en oua, gare et ivro, calz, Alice ne se bête gré de nature, hein, vide un dut, hein, un touriste de pétudel, un tut de ce vro, de zisolo, une heure vro, trop à dro de Zan Nicolas, hein. Gouderon, et bête Alice, homme, bah, pur, donc, plus j'aurais, horn vro, donc. Iso, on dîne, bon, plus j'aurais dans, calz, vro, scriveneus d'Asquire, je suis né de la terre au temps du Sarrasin, bien avant les blés d'or et leur riche apparence, et j'ai marché pieds nus dans des chaussons de foin. Hein, je veux dire, ouais, chômerait, tout dit yowan qui ne se bête de tram ne bat plus, je dis, chômerait, venant de tésor évitant, hein. Blabé ma hanteur quand, ne wabé de hante vœt bars, va carnac, ag, non, ni wadi bob, des taldiric. Warren Kepereng, ni joua di bob de nangz, ma trezen blamour de taldir, hein, plus dur taldir ou au bars brude, hein, ne sgeder brogoz à trois sorts, mais non que zur de c'est. Bon, et dit vraiment Manuel Payet de nanang, ag chomerei varzon égou, ou a iler, hein, ag ma trezen ou vich penek, et vefe bémod ober on abaden ou arzi, on abaden hiro hantam, ou arbu et Manuel Payet, hein, ag war il abour, ou ar Vagenou RKB. Voilà de vos VGL, moi là, retaria, ou comme c'est tard de Jean-Claude Gégad, hein, ou talabardeur brude de Mar Trégon de l'Assaut, à moi là, de zone et gandon no grower, à goa hound, pollué loup, pésonné que guir, mais change à loin de ba pollué loup, hein, zo, quand on brude, or bavro, hein, mais n'est que pollué loup, hein, puis dire, ouah, loup IUL. Bon, ma très honoré de se bêter, de se bêcler, de rewar, de se bê plus jeune, en grand zin, de se larmer. Mais tu sois, Yohem. Bon, clèvent meus, clèvent peus, Yohar, boar vagen ou erkabi, zo mouez ou neve, hein, vraiment, les naïques, Jobert, anna han brieg moal, hag, an leur brigand zo, quand in, hidu yama. Hag, bon, dis se vê clèvent, on tombe, mouez ou neve, a zézo, o on tamavel yo ankis ba RKB a zezon dravad gaftin. Bon, kal ze du den eus zo bremañ o klask diski brezhoneg. Evel juz eus ve beup sort mod eus diski brezhoneg, hein, kentel yo nonz, dre lizer a beup sort. Hag o ne beup la yo zo, oa bet imbanned o nenten vid pur metod ma peuswan, vid diski brezhoneg oa brezhoneg primadio. Hag bremañ zo kred o neuad an oarze, hein, zo kred gant yann ber kemener, hag an tresaden ou nono, hag e neuad an zo e brezon eug pel avonus. Hag bon zo kal zo draou vi rezo tis ki brezon, hag a mam eus videre, hein, ka der mat ve diske traou. A juzma, nono, neus imban eo lever di war ben prederourius, pu dur... Puis philosophie, ma personne, puis dire nono ou à Kellener ou à leur prédérourieuse, hein. Aga vraiment mon roi élevé à nos hamzer mieux hamzer vite didu yen dud, hein. Aga zézomad, hein. Qu'à nono, zo plus juste, éveil très sadé, nono, éveil juste. Fais je n'hamzer un grand standard de ce qu'elle est, leur vro galop, puis brésu, elle ma personne. Hag d'astu en eus zo o himban pez labour bras, di war ben labour Albert Poulain, bod zo hanvaad mad zo deus bro redon, hein, deus pipriak pevet, hein. Hag hez deus bet d'astu me kalz e draou, hag setu vo himban eus gant d'astu me on tamad deus labour neus begret. Végenant, nous sommes contents d'arriver de ce mirdir, vro, zo, breiz, hein, calze, de so, de semaine, fawed, morbien, hein, y'a qu'à, fawed el, zo, bah, de baudrigar, mais n'est que rizé, bah, morbien, zo, mirdir, hein, l'air vegouel, d'alise, disquezadeg, ou, voir, livourien, hein, agenes b de label, musée de France, hein, p de discours, zikour en ambre, hein, bénéfine de gazoirog, irak, tressou. Abeta vraiment vigé d'igor de Wermis pas de blanc, matrezen, ou à l'air vaut d'igor de Nomis pas de blanc. Ag brau et Monteveld, Myrdi, Orfawed, un éque gualbel, bénéfine, hein, deux orvro en main. Bon, sais-tu, gagne-moi mon temps trop, ou à revro, ag benvegel, vaut l'art, trouel, roise. Qu'en a-vous?